yo. Hosanna, kolo kumisama. Hey, Hosanna, papa. Hosanna, Hosanna, kolo kumisama. Ngaye, ngaye, ne. Apesi lisusu Bibli a raison. Kope sa confiance na moto. Ezali malédiction. La promesse motine nyonso eko suka na déception. Poete nyonso na mokili oyo eza na mose illusion. Atana ngai moko yo na mekaka na suka confondu. Omotema nanga kolo yo lobi ezali tordu. Anandimi eza ya solo car mes projets n'ont pas mordu. Minanga po ekende liboso aka yo Seigneur Jésus. Gestion pe direction ya bomo inanga iloyo papa sala partout révision ya ma bébé ba erreur nyoso oye me manga ina perdition na yebi bien que pay na yo nena la suis bénédiction. Kitoko epesi nsunga, un parfum de bonne odeur. Yosukoli yongengi singai, lelo na komi en couleur. Grâce à toi kolo nanga, toute ma vie est splendeur. Et tout ma nanga yo bunda, peyo remporte ta victoire. Banguna nanga y pa mwa kangunda, pour na bango plus d'espoir. Azala nanga y kakampunda, yo sala nanga y pour ta gloire. Amon sala nanga y ambonda, tout ici bas doit te voir. Yeah.